cop. Sur mon épaule, pas de succès assuré. Pas de voix qui me dira petit quand je m'ai tracé. Pas de boss sur mon dos, pas de Mac à mes côtés. Pas de porte ouverte, pas de bonne place à dégoter. Rien dès le départ, mais tout à faire sur ce chantier. Pas besoin de qui que ce soit pour poser les premières pierres. Fort et fier, je dépends de personne ici bas. Avec moi, Kappa, deux fois, Delta. Frappe fort sur le beat comme un bassiste qui slappe fort. Chacune des épreuves, c'est des points qui comptent à chaque score. Pas de garant, pas de carence, j'ai ce qu'il faut dans les veines. Force extrême, haine, seul dans le froid, plein de peine. Briser des montagnes de barrières sans être une centaine. S'imposer ici, être libre sans baron ni chaîne. Sans parrain ni mac, carré ou à l'arrache. Rien me freine, pas de piston, pas de mafia. Seuls mes potes me maintiennent. On se passe seul dans cette immense salle. Comme toi dans ce bâtiment sale. Comme un type seul contre une armée et des rafales de Baal. Torse nu sans pare-balles. Le mic on le torche. Mets tes jours pour faire ma halle. On rappelle dans la dèche. On persévère, on lâche. On fait ce qu'on peut avec les moyens. On se bat seul dans cette immense salle. Comme toi dans ce bâtiment sale. Comme un type seul contre une armée et des rafales de balles. Le box office c'est pas mon but, demande à mes officiers. Le succès un coup de poker en attendant tes obsèques. Je veux pas me laisser enfiler, qui veut se laisser enfiler. On joue strap une douche de balle pour la mettre au fond des filets. Au fond des filets, un chemin déjà tracé. Un système où les fils de rentiers sont déjà placés. Pas de piston, je ne suis pas fiston de papa blindé. Pas de bon repas sans avoir rail à veux gravier. Pas né pour perdre. Pour que la mafre me pendonner, mes mains sont faites pour palper. Comme l'homme à la balafre, je veux de l'or avec mon arme. Et alors, dans les règles de l'art, je peux le faire avec une arme. Mais l'art des douilles est sans règne. Je pars seul dans le bise, on est 5 à la barre. Sans parrain ni mac, ni piston, des brouillards comme à la barre. Accusé et avocat, tueur et victime, sniper et cible. KDD, un truc sensible et invincible. 5 sur scène, rime assassine, geste obscène, salle de salle. Je donne tout même pour 10 personnes en scène. On a déjà fait des salles vides, des salles pleines, des salles bides. À chaque sortie en sueur, l'honneur est soft, le mic est sale. Clean. Toujours deux fois plus, demande à ma puce si la nuit je dors. Je crame des lignes, dors ma puce, date cherche l'or. On se bat seul dans cette immense salle. Comme toi dans ce bâtiment sale. Comme un type seul contre une armée et des rafales de Baal. Torse nu sans pare-balles. Le mic on le torche. Mets tes jours pour faire ma halle. On rappelle dans la dèche. On persévère, on lâche. On fait ce qu'on peut avec les moyens. On se bat seul dans cette immense salle. Comme toi dans ce bâtiment sale. Comme un type seul contre une armée et des rafales de balles. Bosser avec la foi, garder ses idéaux. Pas avoir peur du feu, ni peur d'être pris pour un faux. Avoir sa propre éthique, la transcrire en écriture. Les meilleures places ne sont que pour les types qui bondent dur. Sans parrain, ni mac, gaillard qui ne craint rien. Garçon non docile, qui n'envie jamais son prochain. Combattant hors pair, qui fait tout pour être le premier. Mec amène son groupe à son apogée sans se faire aider. Discipliné sur scène, chasseur aux gestes obscènes. Bosseur de jour, comme de nuit, un taf à long terme. Soldat qui attend son tour, qui s'apprête tous les jours. Le type qui tourne cette fois sa langue avant de faire un discours. Un mec qui se présente et qui n'attend rien d'autrui. Qui ne plaisante jamais, un mec soi-disant mal parti. On représente les équipes sans parrain ni mac. Les mecs qui se font seuls et qui se doivent te laisser une marque. On se bat seul dans cette immense salle. Comme toi dans ce bâtiment sale. Comme un type seul contre une armée et des rafales de Baal. Torse nu sans pare-balles. Le mic on le torche. Mets tes jours pour faire ma halle. On rappelle dans la dèche. On persévère, on lâche. On fait ce qu'on peut avec les moyens. On se bat seul dans cette immense salle. Comme toi dans ce bâtiment sale. Comme un type seul contre une armée et des rafales de balles. On est là sans parrain ni mag. Là sans piston ni track. À l'arrache pris dans le rap. Sans examen ni bac. On a fait nos armes dans le son. Sans Chopin ni bac. Personne n'est venu. Nul nous attendu ni Ken ni Mike. Shooter au pop sans coco ni crack. À l'arrache pris dans le rap. Sans examen ni bac. On a fait nos armes dans le son. Sans Chopin ni bac. Personne n'est venu. Nul nous attendu ni Ken ni Mike.